Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 53. Du mouvement local des anges. Comment les anges se meuvent? 1. Les anges peuvent-ils se mouvoir d'un lieu à un autre? Si les âmes bienheureuses se meuvent, les anges meuvent aussi. Or, c'est un article de foi que l'âme de Jésus-Christ descendit aux enfers. Les anges bienheureux peuvent donc se mouvoir localement, mais n'allons pas croire qu'ils se meuvent d'un mouvement semblable à celui des corps, qui sont contenus et mesurés par les lieux où ils sont. N'étant ni mesurés ni contenus par les lieux, mais contenant plutôt les lieux où ils sont, ils ne subissent pas les lois du mouvement corporel et ne reçoivent point la continuité de leur mouvement de l'espace parcouru. Comme ils ne sont dans les lieux que par leur vertu ou le contact de leur action, leur mouvement se compose simplement des divers effets qu'ils exercent sur les lieux. Il en résulte que leur mouvement est continu ou discontinu, puisqu'ils peuvent, à leur gré, quitter les divers points d'un lieu successivement, ou bien les quitter simultanément, pour appliquer immédiatement leur activité à un autre lieu. 2. Pour aller d'un lieu à un autre, les anges passent-ils par les lieux intermédiaires? Puisque, dans leur mouvement local, ils ne sont pas soumis aux mêmes lois que les corps, rien ne les empêche de s'affranchir du mouvement corporel. Il dépend conséquemment d'eux de passer par les lieux intermédiaires ou de n'y point passer. C'est pourquoi, s'ils exercent une action continuelle, ou, en d'autres termes, si leur mouvement est continu, ils passent par tous les milieux, mais si leur action n'est pas telle, ils n'y passent point nécessairement. Note. Quelle impossibilité voit-on à ce que l'ange agisse, à son gré, sur l'Orient et ensuite sur l'Occident, sans agir sur les lieux intermédiaires. Fin de la note. 3. Le mouvement des anges a-t-il lieu dans le temps? Partout où il y a priorité et postériorité, le mouvement s'opère dans le temps. On ne peut pas dire que les anges sont dans un lieu pendant un temps et qu'au dernier instant ils sont ailleurs, il faut nécessairement admettre qu'ils sont dans le lieu précédent pendant un dernier instant. Or, où se trouvent deux instants successifs, le temps existe. Les anges se meuvent dans un temps continu quand leur mouvement est continu, et dans un temps non continu dès que leur mouvement est discontinu. Mais, dans ces deux cas, le temps qui les concerne n'est pas celui qui mesure le mouvement du ciel et des corps, car ils sont au-dessus du temps qui sert de mesure à la durée des choses corporelles. La succession de leurs propres actes, voilà ce qui, pour eux, multiplie les instants. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.